On a tous perdu un proche, quelqu'un qu'on aimait vraiment. On se dit que la vie est moche, que plus rien n'est important. On se sent vide, on se raccroche aux souvenirs d'antan. On s'imagine que des reproches qu'il fallait tous dire avant. Ouais, c'est pas facile à surmonter quand on perd un ami. On se sent si fragile et dépassé par le vent de la vie. C'est pas facile à surmonter.